Le Tao produit les êtres, la vertu les nourrit. Il leur donne un corps et les perfectionne par une secrète impulsion. C'est pourquoi tous les êtres révèrent le Tao et honorent la vertu. Personne n'a conféré au Tao sa dignité, ni à la vertu sa noblesse. Il les possède éternellement en eux-mêmes. C'est pourquoi le Tao produit les êtres, les nourrit, les fait croître, les perfectionne, les mûrit, les alimente, les protège. Il les produit et ne se les approprie point. Il les fait ce qu'ils sont et ne s'en glorifie point. Il règne sur eux et les laisse libres. C'est là ce qu'on appelle une vertu profonde.